BKFM jusqu'au bout du monde. BKFM jusqu'au bout du monde. BBB on the track. All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop. Ah, la paix. La paix, c'est le pardon de son prochain. Gardons-nous un cœur sans rancune pour une paix durable. Faisons la paix pour le développement harmonieux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donnons-nous les mains les uns les autres pour un avenir parfait. Moi, Ange Kwasi, j'opte pour la paix. Merci. Don't quit my neck, my back, lick my just like that. BKFM jusqu'au bout du monde. BKFM jusqu'au bout du monde. J'ai vu des gens coucher. Des larmes dans les yeux, regardons vers les cieux. Pauvres ou riches, tout le monde y passe. Alors créons cette barrière pour stopper le corona. Corona, corona, yeah. On a la main. Respectez les mesures de prévention. Bonjour à toutes et à tous. Le monde entier vit une crise sanitaire sans précédent depuis 2019. La maladie à coronavirus COVID-19 qui a fait son apparition à Wuhan en République de Chine continue de décimer le monde. Conséquence, des familles disloquées voire entièrement détruites, des entreprises à l'arrêt, la chaîne d'approvisionnement grippée, l'économie mondiale durement affectée tourne au ralenti. En Afrique, la situation s'empire de jour en jour. En Côte d'Ivoire, la situation est inquiétante. D'un malade du COVID-19, le 11 mars 2020, l'on dénombre ce 1er avril 2020 190 personnes contaminées. Cette crise a occasionné la fermeture des établissements préscolaires, scolaires, secondaires et supérieurs sur l'ensemble du territoire national. Face à cette situation, les partenaires de l'éducation ne croisent pas les bras. La question aujourd'hui est de savoir quelle alternative devons-nous mettre en place pour sauver l'année scolaire et académique 2019-2020? Pour répondre à cette interrogation, nous recevons Dr Kwaku Marcelin. Il est le directeur général des établissements Henri Poincaré et M. Kwan Gilbert, directeur de l'enseignement général des 10 établissements. À mes auditeurs, bienvenue sur Gbeke FM, la première radio de la région de Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire, et c'est une radio en ligne. Je suis votre serviteur, François Mbradeux. BKFM jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui c'est Corona, je t'assure que ça c'est grave. Regarde tous ces dégâts que Corona a fait dans le monde. Ne reste pas aveugle si c'est fait. Alors prends tes précautions. J'ai vu des gens coucher, des larmes dans les yeux. Regardons vers les cieux. Pauvres ou riches, tout le monde y passe. Alors créons cette barrière pour stopper le corona. Prêt donc à stopper le coronavirus avec ses corollaires, avec ses impacts socio-économiques. Nous sommes sur ce plateau avec nos invités du jour, Dr Kwaku Marcelin, directeur général des établissements Henri Poincaré. Docteur, bonjour. Bonjour, cher ami. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. Monsieur Kwan Gilbert, il est le directeur des études de l'enseignement général des établissements Henri Poincaré Boaké. Monsieur Kwan, bonjour. Bonjour, monsieur Mbra. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Surtout qu'il s'agit d'éducation, l'alternative qu'il faut trouver. Alors, le monde entier est en pleurs depuis le mois de décembre 2019. Une pandémie, une maladie au début qui devient pandémie. L'apparition en Chine à Wuhan, aujourd'hui la Côte d'Ivoire pleure également. Les écoles sont fermées, tous les espaces quasiment fermés, et vous, en tant que directeur général des établissements Henri Poincaré, vous n'avez pas voulu croiser les bras, mais trouver une alternative. Aujourd'hui, on parle de cours en ligne à travers la radio BEC FM, qui est une radio des établissements Henri Poincaré. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui a motivé réellement cette initiative? Merci bien, cher frère Brade. Avant de me prononcer sur ce qui a pu donc motiver cette initiative, vous me permettrez d'avoir une pensée toute particulière à l'endroit de toutes les victimes de cette pandémie, particulièrement tous ceux qui sont décédés, que le Seigneur puisse donc les recevoir dans son royaume céleste. Et tous ceux qui sont malades, prier pour que ceux-ci puissent donc se rétablir. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais tout simplement dire que c'est un souci pour nous de former. Former, donner toutes les compétences qu'il faut, les compétences requises pour que nos élèves et étudiants puissent donc affronter le monde, la vie active, de manière avec beaucoup plus de compétences. Et donc, avec cette pandémie, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, tout le monde est à la maison. Voilà, nos élèves, depuis pratiquement depuis le 17 avril, étaient donc, j'allais dire, mis en congé forcé par cette maladie. Et nous n'avons pas voulu qu'ils restent oisifs à la maison. Nous avons donc réfléchi, l'ensemble du personnel administratif, particulièrement la haute direction de l'établissement Henri Poincaré, y compris le PDG et le secrétaire général. Nous avons donc réfléchi et nous nous sommes dit que, à partir du moment où nous disposons d'une radio, c'est un canal très important, il serait vraiment aberrant que nous ne profitions pas de ce canal-là pour maintenir à niveau nos enfants, nos élèves et étudiants, les encadrer, les coacher en quelque sorte, et afin qu'ils ne désapprennent pas. Voilà, si vous voulez, pour résumer un peu, c'est un peu cela ce qui nous a motivés. Vous savez que c'est vrai, et par la grâce de Dieu, nous allons vaincre cette maladie, et lorsque nous allons revenir dans les classes, les salles de classe, il ne faudrait pas que nos élèves aient tout oublié. Voilà, on se connaît. Généralement, même un congé de 2 jours, 3 jours, quand ils reviennent, ils ne sont plus vraiment ceux qu'ils étaient. Donc voilà, c'est très important pour nous de pouvoir maintenir le niveau de nos élèves. D'accord. Docteur, avec cette initiative que nous louons tous, on a l'impression que vous étiez déjà préparé à cette crise-là. Parce que du coup, on ferme les écoles, vous avez une solution. Oui, ben, ce serait trop dit, je ne prédis pas l'avenir. Mais nous avons quand même cette chance d'avoir quand même un personnel assez réactif pour faire face assez rapidement à toutes les situations de crise qui pourraient se présenter. Je rappelle tout simplement que dès que la maladie a commencé à sévir dans les pays occidentaux, les pays développés, nous avons déjà à notre niveau, au niveau de la haute direction, tenu quelques réunions, et des réunions, pas de crise, mais de réflexion pour réfléchir un peu aux perspectives. Nous nous sommes imaginés que ce serait être dans un rêve que de penser que la maladie ne pourrait pas arriver en Afrique, et si ça arrivait en Afrique, que ça n'arriverait pas en Côte d'Ivoire. Et effectivement, nous avons eu raison assez tôt. Et c'est pour cela que nous sommes préparés, vous savez, pour réaliser ce que nous sommes en train de commencer maintenant, il faut se préparer. Et c'est depuis le début que nous sommes préparés. Nous avons eu même une séance avec vous-même au niveau de la radio Becquet pour que nous lancions j'allais dire, ce programme-là. Alors vous avez eu le réflexe du bon manager. Ben, on pourrait le dire. Monsieur Pan Gilbert, sur notre plateau, pour éventuellement parler de ce même sujet, l'organisation des cours à travers la radio, BEC FM, pas des cours en tant que tel, des cours de mise à niveau. Alors, dites-nous, monsieur le directeur, comment ça va se passer concrètement? Merci, M. Mra. Je voudrais saluer vos éditeurs, nos éditeurs, parce que nous faisons partie aussi de la maison, cette radio. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Comme le directeur général vient de le dire, on a préparé cela. On a reçu les enseignants que nous avons désignés sur la base de leur engagement, de leur ingéniosité, pour qu'ensemble nous réfléchissions. Et voilà ce que nous avons donc arrêté. C'est un ensemble de 11 enseignants que nous avons retenu. Et en plus d'eux, il y aura deux conférenciers de qualité, deux philosophes. Les matières que nous avons arrêtées, français, la philo, l'anglais, l'histoire, géo, les mathématiques, la physique et esthétique, ça c'est plus classique. L'avantage, c'est que les parents d'élèves pourront aussi suivre, être à côté de leur enfant et puis éventuellement les aiguillonner pour que vraiment la cible soit bien atteinte. D'accord. Alors, c'est dire que vous avez rencontré des enseignants, des spécialistes en la matière. Tout à fait. Vous avez fait une sélection de matières et de niveaux. Les niveaux concernés sont les terminales et les troisièmes. Disons les classes d'examen, prioritairement. Les classes d'examen. Oui. C'est l'enseignement général et technique. Et technique. Alors, aujourd'hui, vous avez fait un planning et les enseignants seront sur le plateau très bientôt, sur quoi c'est à partir du 4 avril, oui, samedi prochain, avec Dr Christian Yao et M. Irié Girard, sur le plateau pour parler de la dissertation philosophique. Mais comment vous faites le planning? Est-ce que vous commencez aujourd'hui à la reprise des cours, ces cours en ligne s'arrêtent? Cela dépendra de l'évolution de la situation la pandémie. D'accord. Si la situation morose actuelle perdure, nous prolongerons. Mais si on nous intime l'ordre de reprendre les cours, on va suspendre. D'accord. Voilà. Alors, je reviens à vous, docteur Kwaku Marcelin, pour bien évidemment suivre des cours en ligne. C'est une grande innovation dans la région de Gbeke. Alors, quelles sont les dispositions pratiques ou du moins particulières à prendre pour suivre ces cours-là? Ben, merci bien, cher frère. Alors, les dispositions qu'il faut prendre, j'allais dire, c'est déjà de pouvoir disposer de la ressource humaine adéquate, d'accord, de qualité. Ça, c'est une des premières dispositions parce que, vous savez, c'est un peu spécial, c'est un peu particulier de faire des cours, j'allais dire, à la radio. C'est pas évident. Donc, il faut des gens qui sont vraiment, j'allais dire, préparés à cela et outillés. Et on ne vient pas aussi sur les antennes pour, j'allais dire, fatiguer nos enfants avec des théories, beaucoup de théories. Voilà, il faut donc un savoir-faire. Donc, c'est en cela que nous avons fait une sélection de certains enseignants. C'est pas que les autres qui n'ont pas été sélectionnés ne sont pas bons, non. Sinon, ils n'enseigneraient pas à point carré. Mais parmi eux, nous avons pris quelques-uns qui vont donc s'occuper de nos enfants. Alors, en dehors de cela, il y a aussi dispositions, j'allais dire, techniques. Il faut pouvoir faire l'émission, mais il faut que l'émission soit accessible, que nos élèves, la cible visée, nos élèves puissent donc participer à cette émission parce que ça va être un peu proactif, d'accord, interactif. Et puis, bon, évidemment, les dispositions financières, voilà, parce que ce n'est pas sans coût. J'allais même poser cette question. C'est une initiative qui nécessite un coût, je dis, colossal. Alors, est-ce que les établissements Henri Poincaré tiennent, puisque ça supplie tout le monde? Oui, vous savez, on ne va pas pleurnicher, mais il faut dire aussi la vérité. La vérité, c'est que les écoles sont fermées. Nous ne vivons qu'avec ce que les élèves ou les parents d'élèves payent. Mais actuellement, il n'y a pas de paiement, il n'y a plus rien. Donc, comprenez que ce n'est pas très évident, mais vous savez, nous tenons beaucoup à la formation. Nous, d'accord, tenons à la remise à niveau de nos élèves. Et nous avons vraiment informé le PDG il a pris quelques dispositions pour que ces émissions puissent commencer effectivement le 4 et qu'elles puissent se terminer correctement. Nous n'avons pas assez de moyens, c'est vrai, c'est une école, c'est qu'une école, mais nous avons fait l'effort de chanter, de revoir le budget pour que nous puissions aboutir à un budget vraiment acceptable, raisonnable, supportable. Alors, Monsieur Point Gilbert, vous êtes le directeur de l'enseignement général des établissements Henri Poincaré. Nous savons que les parents prennent, je dirais, une part active dans cette organisation. Oui, je confirme. Je suis en relation étroite avec le président du bureau des parents de nos établissements. Et il a un répertoire de tous ses pairs. Donc, nous échangeons constamment. Et je puis me vous assurer qu'il est en train de suivre actuellement cette émission. Alors, aujourd'hui, les établissements Henri Poincaré ont décidé pour mettre, je dirais, en place cette belle initiative. Mais cette initiative n'a pas été prise sans l'avis des hautes autorités de l'éducation dans la région de Bekaye, monsieur le directeur général. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes suffisamment disciplinés et nous ne pouvons pas engager un tel programme sans vraiment nous en référer à la hiérarchie. Et donc nous avons, cette semaine même, nous avons demandé audience à notre premier responsable d'éducation au niveau de Boaké 2. Et nous l'avons rencontré, il a été très ouvert, très heureux de cette initiative. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris cette disposition également, nous avons informé notre hiérarchie, au niveau de Boaké en tout cas. Et il est parti, il est totalement partant pour le projet. Si nous avons la chance, certainement que nous l'aurons ici même le 4, pour qu'ils puissent nous faire l'honneur de lancer donc officiellement ce programme. Alors, monsieur le directeur de l'enseignement général, vous avez dit tout à l'heure que les parents prennent une part active dans cette organisation. Qu'est-ce que vous attendez réellement des parents? Qu'ils nous aident à mettre leurs enfants au travail. Parce que vous savez, ce que nous reprochons généralement à nos élèves, c'est le manque d'autonomie dans le travail. Ils ont toujours besoin d'un tuteur. Déjà à l'école, nous avons quelques difficultés. Ce n'est pas à la maison où nous ne sommes pas près d'eux pour voir est-ce qu'ils sont vraiment en train de suivre, ils ne sont pas en train de se promener. Ça ne résout pas le problème. Voilà pourquoi les parents seront d'un appui très important. Et nous passons d'ailleurs par les parents. C'est eux qui ont laissé les informations, premièrement, et ils ont informé leurs enfants. Alors, je voudrais dire aussi comment ça va se passer. Tous les élèves sont inscrits sur une page WhatsApp que nous avons créé. D'accord. Il y a deux plateformes. Il y a la première plateforme qui est émission radio. Tout à fait. Et la deuxième plateforme qui est émission radio question. C'est cela. Et là, le volet technique qui va donc vous accompagner sûrement avec cette plateforme. Et nous sommes sûrs que les parents pourront intervenir à tout moment. Merci de votre contribution. C'est cela. Et comme le DG disait tout à l'heure, ce n'est pas des cours classiques. On ne vient pas pour achever le programme. Mais c'est plutôt pour mettre nos enfants à niveau. Déjà, ce qu'ils ont l'air à enseigner, c'est sur ces programmes-là qui seront, disons, testés. C'est des séances de révision, d'exercices, des applications. Alors, l'un des problèmes qui se pose à nous, c'était le volet visuel. Parce que dans certaines matières comme les sciences, c'est difficile de faire des cours sans qu'il y ait un support visuel. Mais là, on a trouvé la solution. C'est la plateforme WhatsApp où les enseignants pourront par avance envoyer leurs exercices, leurs planches. Et puis les enfants traiteront, ils leur feront le retour et à l'antenne, donc ils feront la rémédiation ensemble. Merci, Monsieur Pan Gilbert. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'enseignement général des établissements Henri Poincaré. Sur ce même plateau, Dr Kwaku Masselin, qui est le directeur général des établissements Henri Poincaré. Amis auditeurs, vous suivez ici cette émission spéciale consacrée aux alternatives mises en place par les établissements Henri Poincaré pour sauver l'année scolaire 2019-2020. Donc, les cours en ligne sur la radio Bekaye FM. Vous pouvez participer aux émissions à venir. C'est à partir du 4 avril 2020, samedi prochain, sur le premier thème, la dissertation philosophique. Nous avons deux plateformes qui sont déjà mises en place. La première plateforme qui est émission radio, qui a pour membre l'administration, les élèves, les parents, BEC FM et tous les autres partenaires de l'éducation. La deuxième plateforme qui est question émission radio est consacrée spécialement pour les questions. Vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous voulez participer à l'émission du 4 avril 2020, la dissertation « Comment réussir la dissertation philosophique ?» Vous envoyez vos préoccupations sur la deuxième plateforme « Question émission radio » et les spécialistes seront à votre disposition pour répondre à ces différentes préoccupations. Merci donc de nous suivre sur Gbeke FM, qui est la première web radio de la région de Gbeke, une initiative, un projet des établissements Henri Poincaré et le cabinet de formation, de suivi et d'insertion dirigé par Dr Kwaku Marcelin. Nous allons juste souffler un tout petit peu avec ce morceau de sensibilisation sur le COVID-19. Gbeke FM, jusqu'au bout du monde. BK FM, voici la pub. Prévention à coronavirus COVID-19. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir pour tousser ou éternuer. Jeter le mouchoir utilisé dans une poubelle et refermer la poubelle. À défaut de mouchoir, tousser ou éternuer dans le pli du coude. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Si vous avez de la fièvre, toux persistante, difficultés respiratoires, rendez-vous immédiatement dans un centre de santé le plus proche. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101 ou envoyez par SMS coronavirus au 1366. Le coronavirus tue. Protégeons-nous et protégeons les autres. Ceci est un message de l'URG, l'Union des radios de Gbeke. Corona, Corona, laisse-nous vivre. Gbeke FM, c'était la pub. J'ai vu des gens couchés, des larmes dans les yeux, regardant vers les cieux. Pauvres riches, tout le monde y passe. Alors créons cette barrière pour stopper le corona. Corona, corona, yeah. Respectez les mesures de corona, prévention. Laisse-nous vivre. Se laver les savon, ne pas se toucher, ne mangez pas la viande de brousseau, créant cette barrière, car nous on a envie de vivre. Sale pandémie, je ne sais d'où tu viens, mais tu fais des ravages. Malédiction divine ou volonté humaine, de nombreuses interrogations me viennent à l'esprit. Mais une chose est sûre, depuis un moment tu fais des carnages, de nombreux morts quatre coins du monde. Merci donc à la technique dirigée par monsieur Oumar Kobenan, assisté par le permanent du CAFSI, monsieur Kwaku Angenor. Chers auditeurs, merci de nous suivre sur la web radio de la région de Gbeke. Je rappelle que c'est une initiative, ou du moins c'est un projet des établissements Henri Poincaré et le cabinet de formation, de suivi et d'insertion. Nous parlons aujourd'hui de l'alternative, ou du moins des alternatives qu'il faut mettre en place pour sauver l'année scolaire 2019-2020. Et sur notre plateau, Dr Kwaku Marcelin, il est le directeur général des établissements Henri Poincaré, accompagné de M. Pan Gilbert, il est le directeur de l'enseignement général des 10 établissements. Alors, docteur, je constate un paradoxe. Vous demandez aux élèves de ne pas venir à l'école avec des portables. Aujourd'hui, vous demandez à ces mêmes élèves d'utiliser les portables pour les cours en ligne. Comment vous expliquez cela? Oui, non, il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe, même si la vie elle-même est faite de paradoxes. Mais en réalité, ce n'est pas la même réalité. Nous avons, quand nous sommes, pendant les cours, pendant les moments de classe, il est tout à fait évident que par rapport aux consignes du ministère, les élèves n'ont pas le droit de venir en classe avec les téléphones portables. Mais nous ne dénions pas pour autant l'importance du téléphone portable. C'est ce que nous disons toujours aux élèves. Et tel que vous posez la question, effectivement, d'aucuns pourraient s'imaginer que nous sommes en contradiction avec ce principe-là qui consiste à ne pas venir en classe avec le téléphone et aller aux examens avec le téléphone. Non, ce n'est pas cela. Il faut comprendre que face à la situation exceptionnelle que nous vivons, il faut des mesures exceptionnelles. Les élèves, malgré l'interdiction, nous savons que les élèves possèdent des téléphones. Et les parents, j'interpelle donc les parents, certains parents qui peut-être, dont les enfants n'ont pas de téléphone, qu'ils prêtent momentanément leur téléphone à leur enfant pour que effectivement les enfants puissent suivre ces séances de cours, d'encadrement, d'accompagnement. Ce serait beaucoup bénéfique pour eux. Donc, il n'y a pas de contradiction du tout. Voilà. C'est par rapport à la situation exceptionnelle que nous avons créé cette émission. Nous avons créé donc ce programme, pardon. Et ce programme qui a besoin d'être suivi d'un téléphone. Donc, il n'y a pas de contradiction. D'accord. Donc, nous continuons de dire que les élèves n'ont pas le droit de venir en classe avec les téléphones. D'accord. Alors, ils vont prendre quel type de disposition ? Ils sont à la maison, ils ont une connexion Internet, même si ce n'est pas sur leur propre portable, mais le parent qui est à la maison peut avoir un ordinateur, ils vont se connecter et ils vont directement sur le lien que nous avons déjà envoyé sur la page WhatsApp. Il se connecte et suit les cours. Donc, il doit avoir sur lui un stylo, il doit avoir un carnet de notes, ou du moins un cahier. Oui, quelque chose pour prendre note en tout cas. À la fin, il y a autre solution. Juste pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas le temps de suivre ces cours, nous allons vous mettre à disposition le podcast. C'est un lien qui vous permet de télécharger ces cours. C'est-à-dire qu'après le cours, vous pouvez avoir le temps à la maison de suivre encore ces cours. Et puis, si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez les poser sur la plateforme Questions Émission Radio. Alors, monsieur le directeur de l'enseignement général, vous allez nous rappeler un peu le programme, sur combien de jours ça va se passer, par quoi ça va commencer. Voilà, on a fait un programme sur tout le mois d'avril. Et les cours auront lieu ici, à la radio... à l'antenne, et c'est trois fois par semaine. D'accord. Le mardi, les jeudis et les samedis. D'accord. Généralement, quand il y a deux cours qui doivent intervenir, ça commencera à 9h. Le premier cours et le deuxième cours commencera à 11h. D'accord. Voilà. Donc, dans une fréquence de 3 jours par semaine, on pense que les professeurs et les élèves pourront retenir l'essentiel. La technique est également en branle pour faire les rediffusions au fur et à mesure. Voilà. Alors, nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Nous parlons de formation et de formation. Et nous savons que dans le cadre de ces différentes formations, les établissements Henri Poincaré, en collaboration avec le cabinet de formation de suivi et d'insertion, CAFSI, ont eu l'honneur ou du moins le privilège d'avoir un bon partenaire hors du pays. Il s'agit du centre Songaï au Bénin. Et depuis pratiquement 2 mois, les étudiants au nombre de 28 sont partis au Bénin pour des formations pratiques. Ce sont des étudiants en agriculture tropicale, option végétale, et les étudiants en maintenant des systèmes de production. Malheureusement, la situation qui s'impose au monde entier, ces étudiants restent bloqués au centre Songaï, au Bénin, mais en bonne santé. Monsieur le directeur, un regard pour ces étudiants-là. Oui, avant d'avoir ce clin d'œil à nos étudiants bloqués à Songaï, je voudrais préciser que le cabinet de formation de suivi et d'insertion, le CAFSI, est le produit ou la création des établissements Henri Poincaré. Et ce cabinet a eu l'ingénieuse idée de créer la radio Béquet. Voilà, donc voilà un peu, si vous voulez, comment les choses se sont passées. D'accord. Alors, nos étudiants qui sont à Songaï, s'ils nous écoutent ou si quelques parents nous écoutent, je voudrais tout simplement leur dire que nous sommes de cœur et à tous les niveaux avec eux. Nous ne les avons pas oubliés, excusez-moi. Ils ne sont pas encore oubliés. On ne va jamais les oublier. Nous avons fait mains et pieds pour informer le ministère de manière officielle de la situation. Nous avons fait des courriers. Le courrier a été signé même du PDG lui-même. Le secrétaire général des établissements Henri Poincaré a fait un courrier de relance. Nous avons joint l'ambassade du Bénin, de Côte d'Ivoire au Bénin. Nous avons fait beaucoup et nous sommes en contact permanent avec nos étudiants, ils le savent. en contact permanent avec les responsables du centre Songhai. Et aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est que nos étudiants étant bloqués, le centre Songhai fait l'effort de les maintenir donc, sur le centre, pour ne pas qu'ils se dispersent et qu'on craigne quelque chose de plus grave. Et les établissements du Point Carré ont décidé depuis hier de les prendre en charge sur une semaine déjà en termes de nourriture. Ce qui nous préoccupe tous, nous le savons, c'est la maladie. Alors le centre Songhai a pris toutes les dispositions, parce qu'on a été informé de cela, pour que la maladie ne puisse pas franchir le seuil des portails du centre Songhai. Alors autant le centre Songhai prend des dispositions, ici aux établissements Henri Poincaré, il y a des dispositions qui sont mises en place. On ne doit pas avoir peur de venir aux établissements Henri Poincaré. Non, point du tout. Il y a des dispositions. Il y a des dispositions, oui. Le lavage des mains, les distances réglementaires, voilà. Malheureusement... Même dans ce studio, nous sommes à distance de 1 mètre chacun. Quand même, voilà. Nous lançons peut-être l'appel pour que les autorités puissent, j'allais dire, mettre vraiment au maximum à disposition tous les éléments qui concourent à faire barrière, à faire obstacle. Donc, au coronavirus. Merci, monsieur le directeur général des établissements Henri Poincaré. Je rappelle que vous êtes sur ce plateau avec monsieur Kouan Gilbert. Il est le directeur de l'enseignement général des établissements Henri Poincaré. Et nous parlons aujourd'hui de cours en ligne, une alternative trouvée par les établissements Henri Poincaré pour bien évidemment occuper les élèves pour sauver l'année scolaire 2019-2020. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Kouan Gilbert, quel est votre appel? Quel est votre mot de fin? L'appel que je voudrais lancer d'abord à nos élèves et à tous les élèves de la région, c'est de ne pas désespérer. Il y a une alternative pour eux. Parce que la menace qu'il faut craindre, c'est la déscolarisation massive. Et là, cette alternative que nous leur proposons, c'est de sortir de l'oisivité et de se mettre sérieusement au travail. Les parents qui étaient soucieux de l'état de leur enfant à la maison, ils viennent d'avoir aussi un encouragement. Voilà, nous avons une possibilité que nos enfants, même à la maison, puissent étudier. Et puis, les autorités, comme on a eu à le dire Audrey, qui nous l'a confirmé, nous sommes aussi dans la droite vision de l'éducation, parce que de plus en plus, les autorités pensent à créer des cours à travers la télévision. Et ce que nous, certainement, après cette expérience, nous allons envisager cela à l'avenir. C'est une ambition que nous nourrissons en secret. Merci infiniment, monsieur Kouan Gilbert, directeur de l'enseignement général des établissements Henri Poincaré. Docteur Kouakou, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Merci bien, cher frère. Alors, mon mot de fin s'adressera dans un premier temps aux enseignants. Les enseignants qui sont donc chargés d'entretenir nos apprenants sur diverses thématiques, que c'est vrai, ce n'est pas un jeu, pas parce que je pense qu'ils considèrent cela comme un jeu, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose d'assez sérieux, et nous serons en direct. Je souhaite que chacun prenne toutes les dispositions pour qu'effectivement, comme je l'ai souvent souligné à monsieur le directeur des études, que il faut que nos apprenants, nos élèves apprennent effectivement quelque chose lorsqu'ils vont se connecter. Et à ce sujet, je lance donc l'autre appel à l'endroit des parents. Je l'ai dit tantôt, si des élèves n'ont pas de téléphone, les parents pourraient bien leur prêter leur téléphone et suivre avec eux-mêmes, pourquoi pas. Parce qu'en réalité, ce que nous redoutons aussi, c'est que l'enfant peut demander le téléphone ou avoir le téléphone, demander même du crédit et faire autre chose avec. Donc je lance aussi cet appel à l'endroit des parents, qu'ils suivent un peu avec les élèves eux-mêmes, et que eux-mêmes, ils sont même à mesure de poser aussi des questions, ce qui n'est pas évident lorsque nous sommes dans une salle de classe. Une question qui pourrait peut-être aider leur enfant. À l'endroit donc des parents et des élèves, c'est ce que je peux lancer comme appel. En ce qui concerne nos autorités, de manière générale, c'est de plaider pour que, effectivement, je salue au passage toutes les mesures qui sont en train d'être prises pour que effectivement cette maladie soit stoppée totalement à travers le monde. Mais je plaiderai pour que effectivement ces mesures soient concrétisées dans la réalité et que tous les efforts que le monde entier est en train de déployer puisse vraiment donc avoir un aboutissement heureux pour que enfin nous puissions stopper définitivement le coronavirus afin que nous reprenions tous nos activités et que nous vivions, parce que là nous avons cessé plus ou moins de vivre, nous sommes pratiquement tous grippés, donc je souhaite que la grippe prenne fin. Merci infiniment, monsieur le directeur général des établissements Henri Poincaré, docteur Kwaku Marcelin. Merci à vous, monsieur Pan Gilbert, directeur de l'enseignement général des établissements Henri Poincaré. À mes auditeurs, nous avons été très ravis en votre compagnie. Sachez que nous avons parlé au cours de cette émission de cours en ligne initiée par les établissements Henri Poincaré sur la radio Becquet FM, et vous êtes tenu de prendre part à ces différentes sessions, à commencer par le samedi prochain 4 avril 2020 à partir de 9h avec Dr Christian Yao et Irie Giraud. Vous parlerez de philosophie, comment réussir la dissertation philosophique. Vous pouvez déjà nous envoyer vos préoccupations sur la plateforme WhatsApp question émission radio qui est déjà mise en place. Vous pouvez intervenir sur d'autres questions relatives à ces cours sur émission radio, la deuxième plateforme pour cette initiative. Merci donc de nous avoir suivis. Un remerciement à tous les partenaires de l'éducation qui nous accompagnent dans ce projet, à tout le personnel des établissements Henri Poincaré, à toutes les autorités de la région de Becquet qui, au jour le jour, nous permettent de vivre et à nous accompagner pour bouter hors la pandémie de notre pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Becquet FM. Ça c'est quoi ça encore? Dieu miséricorde et de bonté. À toi la gloire. Coronavirus, coronavirus, mais c'est quelle maladie ça, oh, c'est quelle épidémie, oh. Becquet FM jusqu'au bout du monde.